Juste nouvelle à la télévision, rien qu'un fait inhabituel qui attire ton attention. C'est peut-être juste nouvelle à la télévision, rien qu'un fait inhabituel qui attire ton attention. Un instant tu t'es arrêté, si tout devait changer, tu sembles déstabilisé, dérangé. Un instant tu t'es arrêté, si tout devait changer, tu sembles déstabilisé, dérangé. Tu es un gros bosseur, tu veux être le meilleur ou un Casanova avec beaucoup de charme. Tu veux être le meilleur ou un Casanova avec beaucoup de charme. Dans la rue, n'importe où, n'importe quand, il essaie d'attirer ton attention. N'importe où, n'importe quand, n'importe quand, il essaie d'attirer ton attention. C'est peut-être juste nouvelle à la télévision, ou rien qu'un fait inhabituel qui attire ton attention. C'est peut-être juste nouvelle à la télévision, ou rien qu'un fait inhabituel qui attire ton attention. Un instant tu t'es arrêté, si tout devait changer, tu sembles déstabilisé, dérangé. Un instant tu t'es arrêté, si tout devait changer, tu sembles déstabilisé, dérangé. Peut-être solitaire, ou seul dans un désert, ou bien rêveur, ou simplement loser. Seul dans un désert, ou bien rêveur, ou simplement loser. Dans la rue, n'importe où, n'importe quand, il essaie d'attirer ton attention. N'importe où, n'importe quand, n'importe quand, il essaie d'attirer ton attention. C'est peut-être juste nouvelle à la télévision, ou rien qu'un fait inhabituel qui attire ton attention. C'est peut-être juste nouvelle à la télévision, ou rien qu'un fait inhabituel qui attire ton attention.